Message de vie. Donner à comprendre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES plus loin sage, produite par Richard Federman. La véritable sagesse n'est pas une assurance tout risque, peut-être est-elle une espèce d'ouvre-boîte de la connaissance. Ainsi, elle se différencierait de la vérité, de l'erreur ou de l'ignorance. C'est un espace de recherche joyeux et libre que je vous invite à vivre dès maintenant. Message de vie, une émission produite par Richard Federman. Pourquoi devenons-nous violents ? Par sentiment d'insécurité, par peur ou pour d'autres raisons encore ? Quelle est cette émotion qui nous dépasse lorsque nous sommes plus reliés à nous-mêmes et donc aux autres ? Il nous est tous arrivé de traiter un automobiliste de sale con, de sortir de nos gongs pour des broutilles aux grandes dames de toute notion basique de respect. Pourquoi devenons-nous tout à coup étrangers à nos besoins de communion ? Isabelle Padovani nous interpelle sur la façon de sortir de nos comportements récurrents et de retrouver davantage de pouvoir à nous rendre la vie belle. Comment échapper au tout noir, tout blanc, au ça va, ça ne va pas, et découvrir nos couleurs émotionnelles afin d'accéder à nos besoins fondamentaux. Le travail n'est pas de nous transformer en un pseudo-sage paisible, zen, mais de trouver un autre langage, une boîte à outils, une voie accessible et simple pour lisser nos rapports à l'autre. Isabelle Padovani partage quelques sentiers à repérer entre le langage et la psyché. Elle a suivi de son vivant les enseignements de Marshall Rosenberg, créateur de la CNV, la communication non violente. Cette pratique n'est plus un secret puisqu'elle est aujourd'hui présente dans toutes les strates de la société comme un art de vivre. Isabelle Padovani donne en plus comme accessoire personnel l'amour comme épée et l'humour comme bouclier. Bon voyage à tous. Message de vie, donné à comprendre. Isabelle, parlez-moi des belles choses que la vie vous a apprises. Qu'est-ce que la vie m'a apprise comme belle chose ? Le silence. Ça fait vraiment partie des choses que la vie m'a apprises et qui n'étaient pas innées chez moi, parce que moi, je suis une grande parleuse. Je suis du Sud, avec un papa marseillais, une maman rémoise, mais qui avait une sacrée tchatche. Et j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup, qui n'écoutait pas beaucoup, qui n'écoutait pas beaucoup les autres, et qui ne savait pas s'écouter non plus. Et je me souviens quand j'avais 9-10 ans, je suis tombée sur cette phrase qui est inscrite sur le ponton de la Pitié à Delphes, qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux ». Et ça m'avait donné un vertige absolu, parce que je sentais qu'il fallait aller à l'intérieur, et moi je ne savais pas aller à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur il y avait ce silence, et ça me faisait peur. Alors, ouais, j'avais 9 ans, ouais, ça m'aura pris plus de 40 ans, pour commencer à pouvoir entrer, découvrir en fait cet espace du silence dans lequel tout naît, dans lequel tout peut se relier. J'aime toujours autant parler, j'adore parler, j'adore rire, j'adore échanger, mais j'ai découvert le silence. Ça, pour moi, c'est une des plus belles choses que la vie m'a apprises. Et quand je dis le silence, c'est pas se taire, c'est un espace de présence et de conscience dans lequel tout se relie et depuis lequel tout s'exprime et tout se crée. Et ça, c'est vraiment pour moi la plus belle chose que la vie m'a offert, le cadeau de cet espace-là. Isabelle Padovani, décrivez-moi l'ami idéal pour vous. C'est bien ça, c'est la relation. Et je crois que c'est pareil pour tout le monde. On a de l'affection pour quelqu'un quand on se sent proche quelque part. Quand on arrive à ce que j'appelle communier, comme unier, faire comme un avec cet être, parce qu'il y a des choses de lui qui nous rappellent des choses de nous, qui résonnent en nous, et qu'on peut se relier tout simplement. Moi, je vois que les êtres avec lesquels j'arrive pas à me relier, ben, au bout d'un moment, j'ai pas beaucoup d'affection, ou mon affection tombe pour eux. Donc pour moi, l'ami idéal, c'est tout simplement un être avec qui cet endroit où moi je me sens dans cette joie de vivre, dans cette légèreté, et dans cet endroit aussi où je peux goûter de la profondeur, je peux me balader dans tous mes espaces intérieurs et ne pas y être seule. Donc pour moi, c'est être bien accompagné avec un ami. Donc je ne m'en fais pas un idéal, parce que je n'ai jamais rencontré d'ami idéal. Il y a toujours après des choses de la vie de tous les jours qui font que c'est galère. Mais voilà, quand on a ça... Mais pour moi, c'est vraiment mes critères quand même, c'est qu'on puisse autant mais rire et déconner des choses de la vie quotidienne et aller faire mais n'importe quelle connerie, mais vraiment très très quotidienne. Parler avec légèreté, rire, regarder des conneries à la télé, aller faire un truc dehors, enfin, n'importe quoi du quotidien. Et en même temps, que je sache que cet être, il est aussi capable d'être dans cet espace, qu'il accède à cet espace dont je parlais tout à l'heure, à cet espace d'unité dans lequel on n'est pas identifié à ce qu'on fait, dans lequel on n'est pas identifié aux émotions, aux pensées, aux sensations. Voilà, donc moi, un ami idéal, c'est quelqu'un avec qui je peux me balader dans les deux plans. Et goûter aussi l'unité qu'il y a entre ces deux plans. Isabelle, parlez-moi d'une personne avec laquelle vous aimez passer du temps. Avec ma chérie, j'aime passer du temps. Pourquoi j'aime passer du temps? D'ailleurs, on vient de passer 18 jours dans le sud de la France ensemble, c'était bien agréable. C'est redondant avec la dernière question, mais pourquoi j'aime passer du temps avec ma chérie? Mais ça, c'est au-delà, justement. C'est au-delà de l'explicable. Il y a tout ce que, donc, pourquoi j'aime passer du temps avec ma chérie? Pour tout ce que je viens de dire, pour l'ami idéal. Et pourquoi en plus avec ma chérie? Parce qu'il y a quelque chose qui est au-delà et que je crois qu'on ne s'explique pas quand on a cet élan amoureux qu'on peut avoir pour quelqu'un. Il y a un petit plus que toute notre conscience, nos pensées ne peuvent juste pas expliquer. Montaigne, quand il parlait de cet amour, il en disait « Si l'on me demandait de dire pourquoi je l'aimais, je ne pourrais que répondre parce que c'était lui, parce que c'était moi. » Il y a ce quelque chose qui, à un moment donné, fait que, voilà, hein, on se rencontre, il se passe quelque chose, voilà, ce regard-là, on ne sait pas expliquer, hein, pourquoi on aime passer du temps avec. Mais on sait, par contre, quand on n'est pas avec, il manque quelque chose. Ça, c'est un bon repère pour moi. Message de vie. Donner à comprendre. Nous allons retrouver Isabelle Padovani dans Le Voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie, MES Plus Loin Sage, notre invitée de ce jour. Pourquoi ne pas directement dire communication bienveillante? Si on parle de communication non violente, cela sous-entend-il que la communication entre les gens est souvent agressive? C'est surtout en premier, j'utilise le terme de communication non violente parce que c'est le terme que Marshall Rosenberg avait choisi. Et donc voilà, moi tu vois, j'en suis à... j'ai commencé la CNV en 2002, on est en 2018, ça ne fait que 16 ans que je fais de la CNV, et pour le moment j'ai encore trouvé aucune bonne raison d'appeler ça autrement que communication non violente, tellement je peux me relier à la fois pourquoi Marshall l'a choisi au début, et c'était pas parce qu'il trouvait que la communication était violente entre les gens, lui c'était très simple, Marshall faisait quelque chose de très social, il cherchait vraiment... quelque chose qui pouvait contribuer au changement social quand c'était au niveau du groupe, et puis au niveau individuel il cherchait quelque chose qui avait vraiment à voir avec ce qu'on a dit juste avant, il cherchait qu'est-ce qui pouvait permettre de garder en soi cette connexion avec cette énergie d'amour sans que notre cœur se ferme. Donc il a modélisé la communication non violente dans ces deux axes, à la fois au niveau personnel, dans une dimension vraiment spirituelle, et puis au niveau collectif, vraiment y chercher qu'est-ce qui peut permettre qu'entre êtres humains, on retrouve accès à ce qui en nous a naturellement un élan de contribution, qui pourrait faire qu'à un moment donné, on arrive à une répartition équitable des ressources sur cette planète, sans se mettre sur la figure. Et quand il a cherché un nom à son processus, il est passé par plein d'étapes. Il a failli appeler ça « from now on », ce qui veut dire « à partir de maintenant », parce qu'il voulait marquer que « à partir de maintenant, j'ai toujours le choix dans ma vie de ce que je peux vivre ou de ce que je veux être ». Et puis, ça ne lui convenait pas trop. Et un soir, il a été à une réunion et les gens qui étaient là, à cette conférence, il a dit « mais c'est exactement ce type de personnes que j'aimerais pouvoir toucher avec mon processus, parce que c'est des personnes engagées et qui ont vraiment envie de travailler sur elles et de contribuer à un changement dans la société ». Et il a demandé « mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette conférence ?» Puis c'était une conférence sur la non-violence. Et il a dit « ah mais ça, c'est exactement ça que je voudrais ». Et donc, dans la lignée voilà, de Gandhi, de Martin Luther King, il a appelé ça derrière « communication non-violente ». Il y a beaucoup de personnes actuellement qui, quand on parle de communication non-violente, remettent ça un peu en question en disant oh, « mais le terme n'est pas bien choisi, c'est une négation, c'est pour le cerveau ne comprend pas les négations, donc on parle de communication non-violente, le cerveau entend violent, et puis pourquoi nier quelque chose? Pourquoi ne pas plutôt effectivement parler de communication bienveillante ?» Donc beaucoup utilisent ce terme. Pour moi, ce n'est pas assez fort, en fait, de parler de communication bienveillante, parce que ça donnerait un seul aspect. J'ai beaucoup fait des recherches sur toute cette notion de l'ahimsa dont parlait Gandhi, qui a été traduit par non-violence chez nous, et j'aime beaucoup ce que j'ai trouvé dans ces zones-là. Ahimsa, en sanskrit, ce n'est pas une négation, ce n'est pas non-violent, ce n'est pas un « a » privatif de quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui nie quelque chose. Ahimsa, ça désigne l'état en amont de toute violence, ça désigne l'état dans lequel est le cœur d'un humain quand la violence n'est pas possible. Et le poète soufi Rumi, il disait dans un de ses poèmes, « Il y a un champ au-delà du bien et du mal, viens, je t'y attends ». C'est vraiment ce champ-là dont il est question dans l'Ahimsa, c'est-à-dire c'est un lieu, quand on est dans ce lieu, il n'y a pas de violence possible. Et pourquoi il n'y a pas de violence possible? Parce qu'il n'y a plus d'autre. Il n'y a plus d'autre dans le sens d'un autre auquel je pourrais m'opposer. Il n'y a qu'un endroit dans lequel j'arrive à me relier à ce que vit l'autre. Et quand j'arrive à me relier à ce que vit l'autre, d'instant en instant, il n'y a aucune violence qui est possible. On devient violent uniquement parce qu'on n'arrive plus à se relier les uns aux autres. On n'arrive pas à comprendre pourquoi l'autre fait ça. On se fixe sur une stratégie, sur quelque chose que je voudrais, et l'autre voudrait autre chose, et bim, on va se taper dessus. Mais si j'arrive à me relier à tes besoins fondamentaux, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi et pourquoi moi je voudrais faire ça, on a les mêmes besoins, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de détente, on a tous besoin de repos, on a tous besoin de réalisation personnelle, on a tous les mêmes besoins. Ensuite, on a des stratégies très très différentes. Donc au fond, pour moi, cette ahimsa, c'est aller se rejoindre dans ce lieu où la violence n'est pas possible. Et ça, c'est beaucoup plus large pour moi que la bienveillance. La bienveillance, c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. On a besoin de bienveillance envers nous-mêmes, envers les autres. Mais c'est une des dimensions de l'ahimsa, c'est une des dimensions de la non-violence. On n'est pas toujours que dans une dimension bienveillante. Mais il y a les émotions, ce sont des teintes. Qu'est-ce que tu en fais? Les émotions, c'est des indicateurs, comme sur un tableau de bord d'une voiture. Il y a des voyants qui s'allument quand il n'y a pas assez d'eau, quand il n'y a pas assez d'huile. Il y a des voyants qui s'allument. Il y aura toujours des voyants qui s'allument. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand le voyant s'est allumé? C'est juste ça. Quand on est dans un mode où on cherche à rester en connexion avec son cœur, si je vois un voyant s'allumer, je ne vais pas donner un coup de poing sur le tableau de bord pour dire au voyant « tais-toi, je ne veux pas t'entendre ». Je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Je vais aller regarder dans le moteur ce qui se passe. Ça, ce n'est pas ce qu'on nous habitue à faire. On nous habitue à être dans ce que j'appelle la causalité horizontale, c'est-à-dire quand j'ai une émotion qui arrive, au lieu de comprendre que la cause de cette émotion, elle est en moi, c'est un de mes besoins qui est nourri ou pas à ce moment-là, je crois que c'est l'autre. C'est comme si dans ma voiture, quand je voyais le voyant, il manque de l'eau, au lieu d'ouvrir le capot du moteur, qui serait l'espace de mes besoins, j'irais engueuler quelqu'un à l'extérieur de ma voiture. Alors, ça semble ridicule, mais pourtant c'est ce qu'on fait tous les jours. Hein. C'est, on dit « je me sens joyeuse parce que tu viens d'arriver et que tu es arrivée à l'heure » ou on pourrait dire « je me sens agacée parce que tu es arrivée en retard ». Donc on est dans des causalités horizontales avec des « je me sens parce que toi, parce que il, parce que le monde ». Enfin, on croit que la cause est à l'extérieur de nous. Ce qui nous laisse complètement démunis puisque ce n'est pas la réalité. Donc après, on se met en vouloir à l'autre, aux autres, à la vie, au monde, à Dieu, à qui on veut. Enfin, on passe notre temps à être... Du coup, c'est pour ça que je vois beaucoup de personnes depuis des années, s'il y a, je pense, une des grandes questions que j'ai le plus entendues en 20 ans d'accompagnement individuel, c'est des personnes qui voudraient gérer leurs émotions. Elles disent « j'aimerais arriver à gérer mes émotions ». Mais pourquoi on voudrait gérer nos émotions ? Parce qu'on ne les traite pas correctement. Donc on ne sait pas quoi faire. Quand j'ai une émotion qui arrive et puis qui est une émotion de frustration, par exemple, parce qu'il ne se passe pas ce que je veux, qu'est-ce que je vais faire derrière ? Si je crois que c'est à cause de toi, je vais t'en vouloir, je vais chercher à agir sur toi, or j'ai pas de pouvoir sur toi. Donc là, je vais vraiment être dans la merde. Et c'est pour ça qu'on est aussi mal avec nos émotions. On ne sait pas où aller chercher. Avec la communication non violente, moi j'ai vraiment découvert quelque chose de précis et de précieux. Et d'ailleurs, c'était un des termes que Marshall voulait utiliser au début pour appeler son processus, c'était « je me sens parce que je ». Je me sens parce que je. Je me sens triste parce que je. Parce qu'il se passe quelque chose chez moi. Et il a mis quelques années à modéliser toute la dimension des besoins, ces besoins fondamentaux qui sont communs à tous les êtres humains, qui sont rattachés à aucune personne en particulier, à aucun lieu en particulier, à aucun objet en particulier, à aucune circonstance particulière. Par exemple, j'ai pas besoin que tu m'aimes, ça c'est déjà une stratégie, mais j'ai besoin d'amour, tu vois, c'est cette petite différence, c'est pas rattaché à quelque chose en particulier. J'ai un besoin d'amour, j'ai un besoin de partage, c'est des choses très très très larges. Et quand je réalise que je me sens triste parce que j'ai besoin d'amour, et pas je me sens triste parce que j'ai besoin que tu m'aimes, je vais retrouver davantage de pouvoir. Donc oui, les émotions vont toujours être là, elles vont toujours être là, puisqu'elles sont les précieux messagers de nos besoins, donc on a intérêt à ce qu'elles soient là. Mais quand je commence à comprendre comment ça fonctionne, quand je commence à comprendre de quoi elles sont messagères, puis qu'elles sont messagères de quelque chose qui se passe en moi, et pas de quelque chose qui dysfonctionne autour de moi, mais je vais retrouver un sacré pouvoir à me rendre la vie belle. Et moi, c'est ça que j'ai appris avec la CNV, c'est dès que il y a quelque chose qui me traverse, qui est moins que ouvert, moins que joyeux, moins que léger, tout de suite, je regarde, hop, j'ouvre le capot. Tout de suite, je vais voir dans le moteur, oh là, qu'est-ce qui se passe ? C'est lequel de mes besoins qui n'est pas rejoint en ce moment ? Et ensuite, je vais faire quelque chose chez moi, d'abord chez moi. Je vais peut-être me donner de l'empathie, et puis après, je vais regarder comment je nourris ce besoin. Et peut-être que ça ne va pas du tout être en revenant vers le stimulus qui est la personne qui est en face de moi. Parce que typiquement, supposons que j'ai besoin d'amour, supposons que je flash sur toi, et toi pas du tout. Ah ben tiens, comment je fais maintenant ? Si je reste avec « j'ai besoin que tu m'aimes », je vais te courir après, puis on n'est pas rendu. Comme on dit chez nous. Ni peut-être en France aussi, on n'est pas rendu, je ne sais plus maintenant. Au Canada, ouais, au Canada, on dit « on n'est pas rendu ». On n'est pas rendu. En Belgique, ils disent aussi « on n'est pas rendu ». En tout cas, en Suisse, on dit « on n'est pas rendu » pour dire « on n'est pas arrivé ». Donc si je suis là avec « j'ai besoin que tu m'aimes », ben on n'est pas rendu. Alors si je suis à réaliser « ah, ok, j'ai besoin d'amour, et juste là, j'ai un élan qui va vers toi, ok, et toi, non, d'accord, ok, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour, comment je peux nourrir ce besoin d'amour ?» Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. Isabelle Padovani, dans Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES Plus Loin Sage, notre invitée de ce jour. Alors là, on va entrer dans une dimension qui est très puissante pour un être humain, parce que là, j'ai deux manières derrière d'aller goûter de la joie maintenant. Je peux plonger tout à fait à la racine du besoin d'amour, et je peux rentrer dans « c'est comment pour moi quand mon besoin d'amour est nourri ?» Et là, quand je rentre dans ça, c'est comment pour moi, c'était la question tout à l'heure par exemple, hein, la question c'était c'est comment pour toi l'ami idéal. Ben, même si on n'a aucun ami, on te demande c'est comment pour toi l'ami idéal. Tu rentres dans ah c'est comment pour moi l'ami idéal, en 5 secondes t'as le sourire aux lèvres parce que t'es en train de te connecter à l'ami idéal. Ben, c'est pareil pour nos besoins. Je peux être là à dire j'ai besoin d'amour. Soit je regarde que toi, tu m'aimes pas. Et là, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps et devenir dépressive. Soit je vais me connecter à quel point j'aime l'amour. Et c'est comment pour moi quand mon besoin d'amour est nourri. Et là, je peux rester dans cette énergie. Et là, je vais recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je vais être nourrie, en fait, à la source, à l'origine de ce besoin. Ça, c'est quand je reste vers moi. Puis ensuite, si je reviens vers l'extérieur, ben, je vais être connectée à ce que j'aime vivre. J'aime vivre cette qualité d'amour. Puis je vais regarder, OK, qu'est-ce qui nourrit ça? Peut-être ça va être un chat qui passe dans le jardin. Peut-être ça va être un arbre. Peut-être ça va être un oiseau. Et puis peut-être ça va être un humain. Beaucoup ne ressentent pas leurs émotions. On disait que les hommes avaient des problèmes avec les émotions. Toi, tu as déjà fait ce travail, mais c'est facile de dire ce que tu dis. Mm-hmm. Mais quand tu ne sais pas... Oui, tu as raison. C'est-à-dire, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on n'a pas tous un accès précis et fin à notre palette émotionnelle. Et donc, comment on peut faire pour sortir du noir et blanc de « ça va pas » quand on ne connaît pas encore déjà toutes nos couleurs, hein, ouais. Mais pour moi, la grande porte, c'est le corps. Moi, j'ai l'expérience que dans notre société occidentale, on est coupé du corps. On est beaucoup dans l'intellect. J'y ai été beaucoup. J'étais très dotée à ce niveau-là, étant jeune, et j'ai beaucoup été dans ma tête. Et ça a vraiment, pour moi, été le grand changement dans ma vie. On parlait tout à l'heure des cadeaux que la vie m'a fait. Il y a eu le silence et la sensorialité. En fait, moi, quand j'accompagne un être humain vers ses émotions, c'est instantané. Je connais aucun être humain qui n'accède pas à ses émotions. Je connais des êtres humains qui ne savent pas comment accéder à leurs émotions. Donc, ils me disent, je ne sais pas ce que je sens, mais parce qu'ils sont en train de penser. Alors, si je leur dis, mais qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi ton sentiment? Je ne sais pas. Ok, ça c'est ta tête. Ok. Maintenant là, quand tu es en train de penser à cette situation dans laquelle ton patron te dit que c'est terminé, tu ne t'occupes plus de cette division dont tu t'occupes depuis 15 ans dans le service, c'est comment dans ton corps? Tu le sens où dans ton corps ce qui se passe en ce moment? Là tout de suite, les gens me disent, ah mais ça me tord au niveau du plexus. Ok. Et ça te tord comment? C'est comme une main qui broie, ou c'est comme un coup de poing, ou c'est comme un coup de massue. Là, tout de suite, les gens me décrivent. Ah, mais c'est comme une grosse boule. C'est comme si... Ah oui, tu sais, ces boules pour casser les maisons avant. C'est comme s'il vienne m'arriver une grosse boule comme ça, au bout d'une grue, bam, dans le plexus. Ok, reste un peu avec. Voilà. Tu vois, par le corps, on arrive tout de suite. Et après, peu importe de donner des mots... tel ou tel sentiment ou émotion, ça c'est les mots qu'on a trouvés pour enrober des sensations. Le plus important, et moi ça fait vraiment partie du travail que je fais, à la fois moi en tant qu'accompagnante et surtout maintenant, parce que j'accompagne moins, mais je forme surtout des accompagnants, c'est vraiment une grosse partie du travail, c'est comment on peut aider un être humain à accéder directement à son expérience directe, à ce qu'il est en train de vivre. Et c'est dans le corps. Et quand on est là, la personne, on lui dit « Ok, essaye de respirer un peu avec ça. » Et quand tu restes là avec ce choc que tu viens de te prendre dans le plexus, est-ce qu'il y a un mot qui vient qui irait bien avec ça? Et il va dire « Mais je suis comme démoli. » Ah, ok, tu te sens comme démoli. Et qu'est-ce que tu aimes vivre et qui ne se vit pas en ce moment-là, quand tu te sens démoli comme ça? Et là, la personne... avec ces mots, mais elle va aller me parler d'un besoin. Elle va me dire, mais au fond, moi, ça a à voir avec, je sais pas, là, il n'y a pas de considération là, pour moi dans cette histoire, il n'y a pas de respect. Ça fait 15 ans que je suis dans ce boulot, que je m'occupe de cette équipe, et le gars, il arrive, et du jour au lendemain, il me vire. Il n'y a aucune considération. Ça, c'est son besoin. Donc, évidemment, avec la communication non-violente, on apprend de manière, vraiment en faisant des gammes, en répétant des gammes au quotidien, on apprend à identifier de plus en plus finement, à repérer nos sentiments et à repérer nos besoins. Mais j'ai l'expérience que si on passe par le corps, et ça demande effectivement de prendre un petit temps pour le faire, on va retrouver les mêmes sentiments et les mêmes besoins. Donc pour moi, il y a une éducation effectivement à faire, et je suis ravie de voir que de nos jours, il y a de plus en plus d'éducateurs qui, justement, chez les enfants, avec les enfants, les aident en fait à rester connectés à leurs sentiments et leurs besoins. Parce qu'en fait, les enfants le sont très naturellement, mais notre éducation nous a appris à nous couper. nous, aux âges que nous avons, on a été coupés de nos sentiments et de nos besoins par l'éducation qu'on a eue. Parce qu'on nous a amené beaucoup dans la tête, parce qu'on nous a, on a nié beaucoup nos sentiments, ne pleure pas, mais non, tu n'es pas triste, arrête de chouiner, un garçon ne pleure pas, une fille, nanana, enfin, donc on s'est coupé, et on s'est mis des plaques en béton, comme ça, et on ne sent plus les choses. Donc, oui, ça demande une éducation, évidemment. Message de vie, donné à comprendre. Message de vie, une émission produite par Richard Federman. Isabelle Padovani, dans Le Voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie, MES Plus Loin Sage, notre invitée de ce jour. Vous pourriez développer en quelques mots, sur les, peut-être les quatre mots-clés pour approfondir, ouvrir cette porte des émotions et de comment les découvrir soi-même, avoir des outils. Est-ce que c'est en relation avec les quatre clés de la communication, de la CNV, l'observation, le sentiment, le besoin et la demande? Alors, est-ce que ce que tu me demandes, c'est pour approfondir au niveau des sentiments et des besoins? Et là, tu viens de me parler des quatre étapes. En fait, les quatre étapes, dans les quatre étapes, on peut dire qu'il y a deux et deux. Hein. Il y a, donc, dans l'ordre, hein, quand on les nomme habituellement OSBD, observation, sentiment, besoin et demande, on représente souvent en CNV ces quatre étapes sur un petit bonhomme, en mettant l'observation au niveau de la tête, les sentiments au niveau du cœur, les besoins au niveau du ventre, et puis les demandes au niveau des jambes. Et moi, effectivement, j'aime bien cette représentation qui a été dessinée la première fois par une collègue suisse qui s'appelle Hélène Domergue-Tapolé. J'aime bien cette représentation parce qu'elle montre un petit peu qu'il y a justement deux zones. Il y a la zone de la tête et des jambes, donc de ce que je me raconte, et puis les jambes, ça va m'aider à me déplacer vers où je veux aller pour faire quelque chose. Et puis, il y a cette zone du tronc, où il y a les sentiments et les besoins, ça c'est toute notre vie intérieure. Donc, dans les quatre étapes, pour répondre à ta question, tu me demandais, est-ce qu'on peut approfondir dans la zone des sentiments et des besoins par les quatre étapes? La réponse est non, les deux autres étapes servent à autre chose. La zone des observations, elle sert à enlever... ce que Bouddha appelait la deuxième flèche, c'est-à-dire des interprétations sur la réalité qui sont en train de mettre des stimuli, inutiles. Hein, Bouddha disait toujours, dans la vie, tu peux être traversé par une première flèche, c'est la flèche de l'instant, un événement survient, celle-là, tu ne peux pas l'éviter. Mais il y a une deuxième flèche que tu te plantes, c'est ce que tu te racontes sur ça. Celle-là, elle est évitable, la deuxième flèche est évitable. Donc, en CNV, dans la première étape de l'observation, on cherche à enlever la deuxième flèche, c'est-à-dire on cherche à ne pas être stimulé par autre chose que la réalité. C'est déjà assez douloureux d'entendre mon patron, si on garde cet exemple, venir me dire du jour au lendemain qu'il me retire la charge de l'équipe avec laquelle je travaille depuis 15 ans. Ça, c'est la réalité. Observation, mon patron est entré dans la pièce et m'a dit, à partir de demain, vous ne vous occupez plus de cette division. Ça, c'est l'observation. Maintenant, il y a une autre partie, et c'est OK que ça arrive, c'est juste qu'on va la différencier. C'est, il y a ce que je me dis quand mon patron dit ça. Et quand mon patron dit ça, je me dis, alors en temps réel, sans doute en accéléré, espèce d'enfoiré, c'est dégueulasse. Et je peux aussi me dire, si je commence à tourner des oreilles qu'on appelle chacal, qui sont les oreilles du jugement, vers moi, je vais commencer à me dire, ah mais ça devait arriver parce que de toute façon je suis nul. De toute façon, je ne mérite rien dans la vie. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Enfin voilà, donc en deux secondes, je peux avoir par exemple 5 pensées qui sont des commentaires sur ce qui vient de se passer. Et qu'est-ce qui me fait le plus mal à ce moment-là, si on regardait un petit peu au niveau de ce qui se passe? On va peut-être arriver en écoutant à certains besoins, par exemple, d'estime de soi ou d'amour de soi, qui ne sont pas du tout nourris dans cette situation. Et en fait, ces besoins d'amour de soi ou d'estime de soi, ils sont touchés parce que moi, je suis en train de penser, pas par ce qui est en train de se passer. Mon patron est arrivé, il m'a dit, à partir de demain, vous ne vous occupez plus de ces personnes. C'est rude, mais si je reste juste avec ça, je vais sûrement avoir des besoins de considération et puis de lien aussi avec cette équipe et puis aussi de tout ce qui est de l'ordre de la réalisation, de tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années. Voilà, ça, c'est affecté. Mais si je garde en plus toutes mes pensées au milieu, là, je me fais du mal en plus. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans l'observation. On essaie de différencier ce qui se passe de ce que je me dis. Ça ne veut pas dire qu'on va jeter ce que je me dis, on va juste le retraduire aussi derrière, en sentiments et en besoins. Mais on va déjà faire un premier tri, ça va éviter en particulier mes réactions typiques, comme on peut le voir malheureusement, dans des situations comme celle que je viens de décrire. On peut très bien voir dans les faits divers, 3 jours après, un employé d'une succursale a été tué son patron après que celui-ci lui a annoncé qu'il lui retirait la charge d'une équipe de 15 personnes avec laquelle il travaillait depuis 15 ans. Et pourquoi je ferais ça? Parce que je suis en train de penser tout ce que je suis en train de penser. Donc ça, c'est au niveau de l'observation, on va essayer de démêler les choses au niveau des stimuli pour avoir plus de clarté sur la réalité de ce qui se passe et puis pouvoir traduire ce qui n'est pas l'observation pure, pouvoir traduire nos jugements justement en sentiments et en besoins. Ensuite, la quatrième étape qui est la demande concrète, elle ne va pas me permettre d'approfondir quelque chose au niveau des sentiments et des besoins, mais par contre, elle va me permettre de me rendre la vie belle. Parce que c'est super de savoir comment je me sens, c'est super de savoir la cause de mes ressentis, mais bon, si je devais juste rester avec « ok, ben, je me sens triste parce que mes besoins de réalisation personnelle ne sont pas du tout nourris », bon, je peux certes, comme je l'ai fait tout à l'heure, comme j'en ai parlé tout à l'heure, remonter à la source de mes besoins, aller goûter une forme de plénitude, mais cette plénitude, là où je vais la rencontrer, elle n'est pas concrète, elle n'est pas dans la matière. Elle n'est pas actualisée maintenant. Donc si je veux revenir à un moment à vivre dans mon humanité et puis à incarner les choses, à un moment donné, je vais essayer de trouver des actions concrètes qui me permettent de rejoindre et de nourrir mes besoins. Et ça, c'est la quatrième étape. Après, pour finir sur ta question sur qu'est-ce qui permet d'approfondir dans les sentiments et dans les besoins, pour moi, c'est la pratique quotidienne. C'est la pratique quotidienne, voilà, comme des gammes. Moi, pendant des années, j'avais mon petit carton en CNV, dans les stages de CNV. On donne des petits cartons qui se plient, qui tiennent dans la poche, dans lesquels il y a les listes en fait, des sentiments et des besoins. Et moi, j'avais appris, quand j'étais en cours d'anglais, en terminale, j'avais une prof d'anglais qui nous donnait 5 verbes irréguliers à apprendre tous les soirs, puis le lendemain matin, on avait un terreau. Et j'étais restée avec ce rythme-là, comme ça, de me dire « tiens, j'ai 5 choses par jour ». À essayer d'explorer. Et donc moi, quand j'ai commencé à la CNV, je faisais pareil. Je prenais 5 sentiments ou 5 besoins, et puis pendant toute une journée, je cherchais, pendant la journée, quand est-ce que je sens ces 5 sentiments, ou quand est-ce que je les vois chez les autres, et pareil pour les besoins. Et ça m'a permis, comme ça, au fil des années, parce que ça ne s'est pas fait en 3 secondes, parce que j'ai vu qu'il y avait certains sentiments, effectivement, qui sont plus fins, auxquels on n'est pas habitué, certains besoins aussi, qui m'ont pris beaucoup de temps pour arriver à les identifier et à comprendre que, ah, c'est ça. Message de vie, donné à comprendre. J'ai fait une vidéo dont le titre est « Dire quel con est un grand cri d'amour frustré ». Et dans cette vidéo, je parle du besoin de communion, qui est ce besoin de se relier aux autres à un endroit où justement on n'a plus l'impression que c'est un autre. Et en fait, en tant qu'être humain, moi j'ai mis des années à comprendre ce qu'était exactement ce besoin de communion, à découvrir qu'en fait, la plupart du temps, quand je m'énerve après un être humain, au fond, c'est parce que j'arrive pas à communier avec lui. J'arrive pas à faire un avec lui, j'arrive pas à me rapprocher de lui, j'arrive pas à comprendre sa pensée, j'arrive pas à comprendre comment il fonctionne, j'arrive pas à me sentir à l'aise avec sa manière de s'habiller, de boire, de manger, de lire, peu importe. J'arrive pas à communier. Et le jour où j'ai vraiment compris ce qu'était ce besoin de communion chez l'être humain, ça a changé ma vie, parce qu'après, je pouvais reconnaître au quotidien, dès que je commençais à m'énerver, je disais « Ah, j'arrive pas à communier avec cet être ». Ok, j'arrive pas à me relier à lui en profondeur parce que je suis en train de mettre mon attention sur ce qu'il est en train de faire, par exemple, en ce moment. J'arrive pas à communier avec lui, par exemple, bon, j'aime pas la bière, par exemple. Alors quand je vois des personnes qui boivent beaucoup de bière, au bout d'un moment, ça me fait un effet, j'arrive plus à me relier et ça me fait un mouvement de recul. Alors quand j'identifie un moment, au lieu de rester sur « ouais, c'est buveur de bière, je ne sais quoi », quand j'arrive à revenir directement à « ah ah, au fond, ce qui se passe », c'est mon besoin de communier qui n'arrive pas à se vivre. Et maintenant, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux rester dans mes jugements ou est-ce que je veux vivre un moment de communion? Alors je me dis, maintenant, je voudrais vivre un moment de communion. Maintenant, j'ai du pouvoir. Maintenant, je dis, ok. Alors, sachant que ce n'est pas par le côté bière qu'on va se rejoindre, où est-ce que je peux mettre mon attention pour arriver à communier avec cet être puisque c'est ce que je veux? Et là, ben, je vais chercher une piste. Je vais chercher. Alors, des fois, je ne la trouve pas, hein. Mais au moins, je ne reste pas dans des endroits complètement démunis, avec des jugements, ou à tourner en boucle, ou je ne sais quoi. Bon, des fois, ça m'arrive hein, de tourner en boucle, évidemment. Hein. Je veux dire, tout ce que je suis en train de dire, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Je ne suis pas du tout en train de dire « j'arrive à le faire ». Du tout. J'y arrive d'ailleurs très souvent pas. Et c'est important de le dire pour les personnes qui commencent à pratiquer la communication non-violente ou qui n'en ont pas encore entendu parler jusqu'ici, parce que si on ne précise pas ça, avec humilité, en disant « c'est ce qu'on essaye de faire », parce qu'on sait que s'il y a une chance qu'on se rende la vie belle, c'est en faisant ça. Mais on essaye de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à le faire. Je veux dire, moi, tous les jours, j'ai des jugements comme tout le monde. Je m'énerve comme tout le monde. J'y arrive pas comme tout le monde. Mais je sais un endroit par lequel c'est possible que je me rende la vie plus belle et que j'ai de meilleures relations avec les autres. Alors je réessaye. Mais j'ai l'expérience que si on ne dit pas ça clairement, c'est insupportable pour les autres d'entendre un tel discours parce que ça fait genre, ouais, non, mais vous énervez, mais moi, attendez, moi j'ai un truc qui fait que je reste zen et machin. Mais pas du tout, chérie. Moi, je m'énerve, mais comme une malade tous les jours. Comment ça se fait que tu es plein de stagiaires qui t'écoutent, t'es pas au point? J'adore entendre ça. Moi, je suis pas du tout au point. Alors que ce soit très très clair, je ne suis pas au point, d'accord, les gars. Je serai jamais au point. C'est ça que j'aime dans ce processus de la communication non violente, c'est que ça nous permet d'être pleinement humains. Marshall Rosenberg, son fondateur, qui était de tradition juive, il disait il faut beaucoup de chutzpah pour pratiquer ce processus et encore plus pour l'enseigner. Et la chutzpah dans la tradition juive, c'est quelque chose d'un peu osé. En français, on dirait c'est un peu avoir des couilles quoi, pour faire quelque chose, parce que c'est oser de faire ce truc. C'est-à-dire tu vas aller partager à d'autres un processus qu'effectivement tu maîtrises pas du tout. C'est-à-dire toi, tu n'es pas le dieu de la non-violence. Ouais, vas-y, envoie-moi n'importe quoi et tu vas voir, je vais rester zen et calme. Mais pas du tout. Moi, j'ai vu Marshall Rosenberg se mettre dans des colères noires contre moi. C'était magnifique, ça m'a libéré d'idées de pseudo sage, paisible, toujours zen, qui maîtriserait tout, et nous a libéré vraiment en nous disant la CNV, c'est pas un processus qui se maîtrise, c'est une intention qui se pratique quotidiennement.